Re-salut les cailloux, on est toujours le lundi 27 avril, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et vous nous écoutez sur radio.antirep.net comme chaque lundi à partir de 19h. Là, on va parler répression dans le cadre du Covid-19. Pour rappeler le contexte, histoire de ne pas être complètement perdu quand on réécoutera cette chronique dans 10 ans, depuis fin 2019, début 2020, il y a une grosse épidémie d'une maladie jusqu'ici inconnue, le coronavirus. Partout dans le monde, les États ont pris des mesures pour essayer d'empêcher l'épidémie de progresser et surtout pour protéger l'économie. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée, c'est-à-dire interdite de sortir de chez elle, hormis pour quelques exceptions. En France, depuis le 17 mars, on ne peut sortir que pour aller bosser, évidemment, faire ses courses, filer des coups de main à des personnes jugées fragiles et pour une heure de promenade ou d'activité physique individuelle. Et pour faire respecter ça, le gouvernement n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le 17 mars, l'amende pour non-respect de confinement était de 38 euros. Il s'agit d'une contravention de première classe, soit la moins importante sur l'échelle des contraventions. Le lendemain, un décret publié au Journal officiel fait passer cette amende à 135 euros. Elle devient une contravention de quatrième classe. Le 24 mars, après une semaine de confinement, l'amende est toujours à 135 euros. Mais une nouvelle amende est créée, à 1500 euros celle-ci, en cas de récidive dans les 15 jours. Un délit de non-respect du confinement réitéré est aussi créé. Il punit le fait d'avoir été verbalisé plus de 3 fois, d'une peine pouvant aller jusqu'à 3750 euros d'amende et 6 mois de prison ferme. 4 jours plus tard, le 28 mars, et c'est ce cadre répressif qui s'applique aujourd'hui, l'amende initiale de non-respect de confinement est à 135 euros, l'amende pour récidive est désormais à 200 euros et devient une contravention de 5e classe, la plus importante sur l'échelle des contraventions, et le délit de non-respect réitéré du confinement est toujours là et toujours puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros d'amende et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois. Et c'est pas un hasard si ce délit peut être passible de 6 mois de prison. Il s'agit pour l'État de dissuader les gens de sortir, de faire des exemples rapidement, et pour ça, quoi de mieux que la comparution immédiate. D'autant que les tribunaux tournent au ralenti depuis le début du confinement, que les procès sont reportés, sauf les procédures d'urgence, donc notamment les comparutions immédiates. Mais il y a des conditions à remplir pour passer les gens en compa. Il faut que la peine encourue soit au moins de 2 ans de prison, ou de 6 mois en cas de flagrant délit. Les voilà nos 6 mois de prison. On peut aussi préciser que depuis le début du confinement, un autre délit a été utilisé pour envoyer les gens au tribunal et en tôle, celui de mise en danger de la vie d'autrui. Il a été utilisé en début de confinement, mais la mise en danger était difficile à prouver, d'où la création du nouveau délit de non-respect de confinement. Depuis la création de ce délit, les gardes à vue pour non-respect de confinement, les comparutions immédiates ou comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité pleuvent et plusieurs personnes ont déjà été condamnées. Diverses peines ont été prononcées, notamment des peines de prison ferme avec mandat de dépôt. D'après Laurent Nunez, entre le 17 mars et le 23 avril, les flics ont procédé à 16 millions de contrôles, qui ont débouché sur environ 900 000 verbalisations. Pour arriver à ce chiffre hallucinant, on est quand même à plus de 430 000 contrôles par jour. Le ministère de l'Intérieur déploie jusqu'à 150 000 keufs sur ce qu'il appelle le terrain, appuyé par des hélicos, des avions, des drones, la vidéosurveillance, sans oublier bien sûr les nombreuses personnes qui appellent le 17 pour faire de la délation. Notons aussi que le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme internet qui permet de faire directement ces délations en ligne. Côté répression judiciaire, entre le 20 mars et le 24 avril, le site Le Panier à Salade a recensé 67 procès, dont plus de 50 concernaient le délit de non-respect réitéré du confinement. On retrouve aussi à moindre échelle les accusations de violence sur keuf, outrage ou rébellion. Sur ces 67 procès, 56 ont abouti à des condamnations à de la prison ferme. 220 mois de prison ferme ont été distribués, soit plus de 18 ans de prison cumulés, ouais. Et 80 mois de sursis, toujours en cumulé. Lors de ces procès, les juges ont décerné 37 mandats de dépôt, donc plus de la moitié des personnes jugées sont allées directement en prison après leur procès. Ce décompte du panier à salade n'est pas complet, il ne recense pas toutes les comparutions immédiates et ne compte pas non plus les convocations au tribunal pour un procès ultérieur, ni les compositions pénales ou les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il ne fait pas non plus mention des condamnations en compas à des travaux d'intérêt généraux ou à des amendes, ni encore mention des éventuels relaxes. On peut donc s'attendre à un nombre beaucoup plus élevé de procès et de condamnations. Pour terminer ce billet sur la répression, je voulais vous annoncer la parution d'une brochure anti-REP, spécial confinement, publiée par la Legal Team de Marseille. Elle est disponible sur le site mars-info.org, donc mars comme le mois de mars, -info au pluriel.org, et tente d'apporter quelques moyens et infos pour déjouer la répression policière et judiciaire dans cette période bien pourrie. Donc au sommaire, il y a comment contester une amende pour non-respect de confinement, il y a la question des fouilles, la question des gardes à vue et des convocations, la question du délit de violation répétée du confinement, les demandes de remise en liberté pour les centres de rétention et les demandes de mise en liberté et d'aménagement de peine pour les tôles. J'en profite aussi pour rappeler le numéro de la Legal Team de Nantes, qui peut vous aider dans vos emmerdes avec la police et la justice. C'est le 06 75 30 95 45. 06 75 30 95 45.